Les œufs du lièvre œuvrent au vertical, ses vagues, sigils labiales, variablement avant-gardistes, alternatives, avales de jouissives, violences binaires, assez ovales pour louvoyer avec la quadrature du chêne vert des enchaînés, sillonnant six astrales sur ses sourires sibyllins incivils, certainement spirales à l'aurore primordiale. Bouillonnant l'unique alternative aux radiosoupes. De loup à oup ou association non assassine fort diffuse par les grumeaux grimaciers des autorités. Cependant, la génitrice du groupe résolue à réémettre en rafale les radios. Yo yo, radié radicalement pirate, rayonnant les rares redoutables autrui pour cette bipolaire terre, rivalisant de réciprocité contraire aux urnes diurnes et ou nocturnes. 3. Oh oui, sans toi, ô toi, curieuse région des forêts radiées hertziennes d'une langue d'or, d'or et déjà toc. Ok, encore ok, de la coca cosmique claquette, ses réseaux azurément arachnoïdes, MP, toi, parfois. Oh, oh, d'un triangle synthétique à la jetatura, des trois roseaux, des trois tours sur ce soi qui sème cette chair pour cratère créateur de tricks, ronronnant le trépied du paradisiaque respect. 4. Calque ses claques à lac opaque, pas au pas. Au Pérou, en ce téton confessionnel, tréfond en ce sein des noms pour mère mégalomane. Agone des sardines d'Antigone, technolègue d'un laisse nomade. Wesh, wesh, wesh, wesh. Des yo, chéri, sans papier, d'un feu totalisateur qui muse la fin du monde. Que à que, boulimique. 5. Telle est sa boîte, chambre des mirages certifiant le vin. Ou alors, ou encore, est-ce à choisir ou à clore? Plus ce vivant non commercial, tel quel, ensemençant la caverne des mains de sang, 100 000 yeux de la nuit savante, savonnante, ça se vaut, ça sort, ça d'argent, sa tête, sa lèvre, sa suinte, ça se jungle en jingle d'Akira, giclant sa cyprine amyloïde à sa selna saphir, outonne tellement troubadour, l'écho des garrigues.